Stephen King aime les chats, Stephen King aime les enfants, Stephen King a écrit Cimetière et Marie Lambert l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, votre nouveau podcast dédié aux adaptations cinéma et télévision de Stephen King. Je suis avec Christopher, bonjour Chris. Bonjour. Ça va ? Bien, et toi ? Très bien, très bien. Prêt à me lancer. Mais ça va. Ouais, prêt à me lancer dans cette nouvelle aventure. On va voir ce que ça rend. Nous aborderons dans ce podcast à chaque épisode un film adapté de Stephen King, donc par adaptation ça peut être des adaptations directes, des scénarios originaux de Stephen King, ou les suites données à ces adaptations qui, dans une partie des cas, n'ont plus grand chose à voir avec l'œuvre de base. Ça peut être intéressant de voir justement comment à partir d'une histoire ils ont pu broder pour faire parfois jusqu'à 9 suites. Et nous n'allons parler que de films. C'est-à-dire les séries télé ne seront pas abordées. Effectivement, à moins qu'on fasse des épisodes spéciaux par la suite, pour l'instant ce n'est pas prévu. À chaque épisode, donc, nous reviendrons sur le livre original dont c'est adapté, puis nous parlerons du film, avant d'établir un classement du côté des livres et du côté des films, en débattant, j'imagine, parfois rudement pour savoir à quelle place doit se trouver telle ou telle œuvre dans notre liste des adaptations du grand auteur Stephen King. Vous l'aurez donc compris, un classement purement objectif. Totalement objectif. Nous vous prévenons tout de suite, chaque épisode de cette émission spoilera tant les livres que les films, donc si vous n'avez pas lu ou pas vu les œuvres que nous allons aborder, et si vous ne voulez pas en connaître la fin, il vaut mieux que vous alliez regarder les films ou lire les livres avant d'écouter ce podcast, car nous n'allons pas nous priver de dévoiler la fin, ce serait difficile de faire une critique vraiment constructive sans ça. Spoiler free. Spoiler alert, plutôt. Oui, spoiler alert. Voilà. Pour commencer, nous allons parler dans les deux premiers épisodes de deux films qui nous serviront de maître étalon, entre guillemets, donc un film de bonne qualité, mais pas non plus extraordinaire, à savoir Cimetière, et un film de mauvaise qualité, mais qui ne figure pas non plus parmi les pires adaptations qui aient jamais été faites de Stephen King, même si elle s'en approche, ce sera La Tour Sombre pour le prochain épisode. Par la suite, tous les films abordés seront choisis aléatoirement parmi une liste d'un peu plus de 100 films que j'ai établie. Via tirage au sort avec nos mains expertes et innocentes. Et innocentes. Très bien, bah prêt pour y aller ? Prêt. Nous allons donc aujourd'hui parler de Cimetière, un livre publié en 1983 pour la version anglaise et en 1985 pour la version française, et le film de Marie Lambert est sorti en 1989 et il dure 103 minutes. Livre toujours disponible aux éditions Livre de Poche, comme la majorité des livres de King. Hein. Oui, dans les versions poche, c'est souvent au Livre de Poche qu'on les trouve, effectivement, mis à part le cycle de La Tour Sombre et quelques exceptions. Qui est chez Gélu. Le roman nous raconte l'histoire de Louis Creed, un médecin qui s'installe avec sa femme Rachel, sa fille Ellie et son fils Gage à Ludlow, dans le Maine. La majorité des livres de Stephen King se passent dans le Maine, de toute façon. Dans le Maine, mais là on est vraiment dans un tout petit patelin du Maine, quoi. Qui n'existe pas. Ludlow n'existe pas, c'est une ville imaginaire. Je crois que d'ailleurs, d'autres villes imaginaires de King sont évoquées dans le roman Castle Rock. Castle Rock est évoqué, ouais. Est évoqué, voilà. Au début, la situation est parfaite, la maison est belle, il a un bon poste de médecin à l'université du coin, ses voisins sont très sympathiques, mais la route qui passe devant la maison est dangereuse. Il y a énormément de camions qui passent à toute allure sur cette route, ce qui a déjà coûté la vie à beaucoup d'animaux domestiques. C'est pour ça que les enfants de la ville ont construit un cimetière d'animaux pas loin, cimetière dont la plaque est écrite avec une faute d'orthographe, S-I-M-E-T-I-2-R-E, d'où le titre du roman avec la faute Pet Sematary en version originale. Et dès son premier jour de travail, Louis voit mourir un étudiant dans un accident de voiture, et cet étudiant lui lance un avertissement étrange en lui revenant en rêve lors de la nuit suivante. Étrange, c'est le mot, oui. Voilà, et en lui disant de ne jamais aller au-delà du cimetière d'animaux. Quelques temps plus tard, alors que l'ensemble de la famille est absent pour Thanksgiving, le chat de la fille de Louis, le chat Church, est tué écrasé par un camion. Alors, t'as oublié de parler du voisin. effectivement du voisin, Judd, qui, avec qui Louis devient très vite ami. Une vraie relation, père-fils, oui, parce une relation c'est père-fils, ce que le personnage évoque dans le roman. Le personnage n'ayant pas eu de père, dans son enfance, effectivement, il retrouve une sorte de père dans ce voisin à qui il accorde toute sa confiance. C'est ça, c'est ce qu'il dit dans les premières pages du roman. Et quand le chat se fait tuer, le voisin propose à Louis un arrangement étrange, à savoir d'aller enterrer le chat au-delà du cimetière d'animaux. C'est là qu'il lui montre le cimetière du Micmac. Le cimetière, sur un cimetière Micmac, donc les Micmac, c'était une tribu indienne. Et quelques jours après l'avoir enterré, enfin le lendemain de l'enterrement, le chat revient à la vie. Mais très vite, on se rend compte qu'il est un peu étrange, comme s'il était devenu mauvais, maléfique. Plus agressif, s'il n'était plus vraiment là. Il pue, parce qu'il est toujours mort, il dégage une odeur de cadavre. Donc ce chat est revenu à la vie, mais dans un état second et dans un état un peu inquiétant. Et quelques temps plus tard, c'est le fils de Louis qui est tué dans un accident de voiture sur la route. Donc le livre est très inspiré de la vie de Stephen King, puisqu'à la fin des années 70, donc à l'époque où il l'a écrit, il avait vraiment déménagé à Orrington, une petite ville du Maine, pour devenir enseignant à l'université d'Orono. Et la maison dans laquelle il logeait avec sa famille était bien devant une route sur laquelle des camions passaient très vite, et où de nombreux animaux domestiques ont été tués. C'est le cas notamment du chat de la fille de Stephen King, qui est mort sur cette route. Et le fils de Stephen King, alors c'était Owen King, lui n'est pas mort sur la route, mais un jour s'était approché très près de cette route, c'est juste que Stephen King a réussi à le rattraper à temps, mais ça a provoqué chez lui une angoisse. Et c'est cette angoisse qui a provoqué cette envie d'écrire Cimetière. D'écrire Cimetière, voilà, il s'est dit, et si j'avais pas réussi à le rattraper, et si il y avait moyen de faire revenir, les gens à la vie. Donc c'est un livre extrêmement personnel pour Stephen King, même le voisin dans le livre, Judd, est inspiré d'un voisin qui avait réellement Stephen King dans cette ville, et chez qui il a écrit une bonne partie du roman d'ailleurs. Les réactions de la fille de Louis sont aussi calquées sur les réactions de la fille de Stephen King quand son propre chat est décédé. Donc c'est un livre très personnel pour l'auteur, et c'est probablement pour ça qu'il le considère, lui, comme son livre le plus angoissant. Ça a fait ressortir chez lui des choses très enfouies, une peur de la mort qui fait qu'il a longtemps considéré ce roman comme étant trop sombre, trop horrifique pour pouvoir être publié. Donc après l'avoir écrit, apparemment peut-être en l'ayant fait lire à sa femme, Tabitha King, et à son ami Peter Strom, il a décidé de ranger ce livre dans un placard et de ne pas le ressortir. Ta femme, toujours de bons conseils d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'elle agit comme ça. Ah bon ? C'était déjà le cas pour Carrie. À la fin de l'écriture, il a balancé le script à la poubelle. Elle l'a récupéré, elle l'a lu et elle l'a encouragé pour le publier. D'accord, je ne savais pas ça. Donc, ce n'était pas la première fois qu'elle agissait ainsi, qu'elle était de bons conseils avec lui. Mais là, du coup, elle lui aurait dit de ne pas le publier, justement. Elle l'aurait trouvé elle-même trop horrifiant pour l'être. Probablement parce qu'elle a reconnu beaucoup de choses personnelles aussi dedans. Oui, parce qu'après, beaucoup de romans de King ont une part biographique à l'intérieur. Mais c'est vrai que celui-là s'en rapproche vraiment le plus... Ouais, c'est ça, à ce point-là, je pense qu'il n'y a vraiment que La Tour Sombre et Shining qui vont à ce point-là dans l'autobiographique. Mais il y a eu un rebondissement un peu inattendu qui a poussé à la publication du livre. King a commencé sa carrière en étant édité par la maison d'édition Doubleday, qui a publié ses trois premiers romans, donc Carrie, Salem et Le Fléau dans une version abrégée, ce que King n'a jamais tellement digéré, on aura l'occasion d'en reparler. Après, il était passé chez d'autres éditeurs, notamment chez Viking, à l'époque, grâce auquel il gagnait beaucoup plus d'argent, donc ça l'arrangeait bien mieux. Forcément. Sauf que chez Doubleday, il avait mis en place un contrat, il avait signé un contrat un peu étrange, un fonds d'investissement pour les auteurs. Qu'il considère comme une arnaque énorme. Pure et simple. Le principe, c'était que tous les bénéfices de ses livres allaient sur une sorte de compte géré par Doubleday, qui n'accordait à l'auteur pour sa vie que 50 000 dollars par mois, ce qui est déjà énorme quand t'as un auteur débutant qui pendant des années a galéré pour vivre sa vie et qui vient d'avoir des enfants. Donc King avait signé l'accord et était très content au début, sauf que quand ses livres ont commencé à se vendre très très bien, l'accord est devenu nettement défavorable pour lui. Il était passé chez un autre éditeur, mais l'ensemble des droits accumulés faisait qu'il avait plus de 3 millions sur ce compte d'épargne auteur chez Doubleday. Et c'était une situation un peu ambiguë parce qu'il ne payait pas d'impôts directement dessus, mais par contre, s'il venait à lui arriver quelque chose, s'il venait à avoir un accident, les droits de succession se seraient appliqués à cet argent et auraient mis donc sa famille dans une situation très difficile. Puis même, je pense qu'il voulait tout simplement être libéré d'un accord qu'il considérait comme une arnaque. Oui, simplement. Sauf que Doubleday lui a fait un peu du chantage, lui a dit bah, « on veut bien faire ça, sauf que tu dois nous donner un dernier livre ». Au début, ils en voulaient deux, il a réussi à réduire à un. Et King s'est dit « bon bah du coup, je vais ressortir Cimetière c'est déjà écrit. Voilà, c'est déjà écrit, c'est fait. Je voulais pas le publier, donc ça, de toute façon, ça va pas me demander de travail. Et puis de toute façon, je vais refaire un peu la nique, je vais pas faire de voilà. promo du tout. Et je pense que King, au début, pensait que ce roman ne se vendrait pas du tout, tellement il était sombre. Alors que, spoiler, retournement de situation, retournement c'est de situation. Un gros carton. C'est un gros carton. Premier tirage à 350 000 exemplaires, apparemment. Double oui. D en annonce 500 000, mais ce serait plus proche de 350 000. Oui, parce que c'est un éditeur, donc il faut bien se polir un petit peu. C'est ça. Alors qu'ils avaient lancé que 50 000 exemplaires quand ils avaient publié Le Fléau quelques années plus tôt. Et du coup, le premier gros succès de King, c'est le premier succès de King à cette échelle, parce que 657 000 exemplaires vendus au cours de la première année, c'est énorme. Surtout pour, les États-Unis. Surtout pour un auteur encore débutant à cette époque. Oui, voilà, il avait déjà publié Shining, il avait déjà publié Christine, qui avait très bien marché. Voilà, mais à ce point-là, je crois que c'est son premier vraiment énorme carton. Et c'est un roman qui est très apprécié par la critique comme par les lecteurs. Et Stephen King, depuis, a toujours eu un rapport assez ambigu à ce roman. Il se demande toujours s'il a bien fait de le publier. Il le considère toujours comme un livre horrible en termes de ce qu'il raconte, avec une vision très sombre de la vie dont il dit qu'elle ne correspond pas à ce qu'il pense réellement. Enfin, est-ce que c'est dû au fait que ce soit beaucoup inspiré de sa propre vie ? Je pense que c'est lié à ça. Parce qu'en même temps, il a l'air de toujours revenir à ce roman, il en parle régulièrement. Je pense qu'il l'apprécie du point de vue de l'écriture et il reconnaît lui-même avoir pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Donc je pense que c'est un roman pour lequel il a une relation d'amour-haine. Sans compter les participations pour le film. Voilà, c'est voilà. Ça, il est scénariste du film, on va y revenir, donc il a quand même beaucoup participé à ce roman, et il adore voilà, les adaptations pas... filmiques qui en ont été faites, ils tant celle de Marie Lambert que le remake sorti cette année. C'est ça, c'est pas un projet auquel il se détache, voilà. Voilà, contrairement à d'autres livres sur lesquels on aura l'occasion de revenir, c'est l'avantage de Stephen King, il parle énormément de ce qu'il écrit, et avec quelques années de recul, il a souvent une certaine honnêteté sur son propre ressenti envers ses œuvres. Et puis il est surtout, en général, souvent impliqué... quand il s'agit d'adaptation de ses œuvres. Voilà. C'est pas un auteur, c'est pas un Alan Moore qui, par exemple, lui, bon. Se délaisse des adaptations de ses comics. Alors on le verra, c'est pas toujours une qualité dans le cas de Stephen King. C'est vrai. Chez Alan Moore non plus, d'ailleurs. Chez Alan Moore non plus. Mais c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de beaucoup revenir. C'est ça. Par rapport au roman, alors je suis très content de commencer sur ce roman parce que moi, c'est vraiment mon roman préféré de Stephen King. Je trouve que c'est celui qui parvient le mieux à retranscrire tout ce que je peux aimer cet auteur. C'est-à-dire déjà, il fait peur, il y a des purs moments horrifiques, il y a une ambiance qui est installée dès le début par des sortes de décalages. C'est-à-dire tout semble aller bien dès le début, mais il y a quand même des petits trucs qui vont pas. Dès leur arrivée, il y a le fils qui se fait piquer par une abeille, il y a la fille qui tombe, je crois, d'une balançoire. C'est le premier événement du roman même, la chute de la balançoire. C'est des toutes petites choses, mais qui dès le début installent une sorte de décalage. Ensuite, il y a la mort de l'étudiant qui est très brutale. Ouais. Et après, il a beau ne rien se passer de dramatique pendant facilement 150 pages avant la mort du chat. Oui, mais il y a toujours une ambiance lourde, pesante. Voilà, c'est un livre très pesant. C'est un livre où finalement, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'en termes d'événements, on a la mort du chat, puis le retour du chat, et la mort du gamin, puis le retour du gamin, et les 50 dernières pages qui sont la folie meurtrière du fils de Gage revenu. Mais finalement, beaucoup de développement de personnages, surtout. C'est ça, sur 600 pages. Quelque chose que King affectionne beaucoup, le développement de personnages. C'est déjà ça. De base. Mais là, c'est énormément, et au final, c'est quelque chose qui revient au fur et à mesure du roman. Notamment l'histoire de la sœur de Rachel, Zelda, son nom. Zelda, oui. Qui est morte de je ne sais plus quelle maladie. Une maladie qui l'a rendue, en fait, qui causait des difformités corporelles au niveau des articulations et qui était affreusement douloureuse et qui l'a transformée en monstre, c'est elle que c'est amené dans le roman. C'est ça. Et comme les parents de Rachel délaissaient totalement cet enfant et en parlaient à peine, c'était Rachel qui prenait tout, qui prenait la rage accumulée par sa sœur. Et finalement, tous les personnages ont un rapport avec la mort qui n'est pas sain. Donc entre Rachel qui n'a toujours pas réussi à faire la paix avec la mort de sa sœur, Louis bah, qui va faire revenir les morts, et bah, la fille Ellie qui est une gamine, donc qui ne tolère pas la mort de son chat. Puis même les récits racontés par le voisin, avec lui-même, quand il était jeune, la mort de son chien, ou diverses choses. Cimetière, c'est pas juste un roman horrifique, c'est aussi un roman sur le deuil. Ouais, vraiment, c'est ça, à proprement parler, c'est sur le deuil et sur l'acceptation du deuil. Et pour le coup, il y a des scènes très très fortes et franchement horribles qui n'ont rien d'horrifique. Je pense notamment pendant l'enterrement de Gage, quand Louis se bat avec son beau-père et qu'il tombe sur le cercueil et que ça ouvre le cercueil. Cette scène, je trouve que c'est... Il entreaperçoit un petit peu le corps de son fils. C'est ça, c'est un moment extrêmement, extrêmement puissant, mais qui finalement n'a aucun élément horrifique. C'est effectivement énormément de développement de personnages. C'est relativement rare chez King qu'il y ait aussi peu de personnages. Oui, c'est vrai. Enfin, il y a les Shining, il y en a quelques-uns tout de même, mais King aime bien les gros ensembles de persos, les petites villes où il va développer plein de personnages qui vont être tour à tour personnages principaux. Là, il aime bien en fait faire des clans surtout, des groupes de personnages. Ouais, effectivement. Il va bien aimer faire des personnages, un groupe qu'on peut considérer comme gentil, un groupe qu'on peut considérer comme méchant, un groupe qu'on peut considérer comme neutre. Mm-hmm. C'est surtout beaucoup ça, King en général. Ouais, c'est ça. Et tandis que là, on n'a quasiment que le point de vue de Louis et un peu celui de Rachel sur la fin du roman. Oui, on a la famille et le voisin, quoi, le voisin et sa femme. Et encore, le voisin, je suis pas sûr qu'on ait des moments vraiment de son point de vue. Il est très présent, mais je ne crois pas qu'on ait des moments totalement de son point de vue, oui, à part peut-être non, sur la fin. On le voit à toute fin quand il se fait massacrer. C'est ça, ouais. Par le fils, mais sinon, à chaque fois qu'on le voit, c'est soit il est avec... Non, il me semble d'ailleurs que dans le roman, on le voit que quand il est avec Louis, en fait. C'est ça. Que quand il est avec le père de famille. Ouais. Qui est vraiment le personnage central. Donc pour moi, un excellent roman. Je comprends totalement les ambiguïtés, enfin le rapport ambigu que King a avec ce livre, parce qu'effectivement, si c'est très personnel, je comprends que ça puisse mettre mal à l'aise, vu à quel point il semble être allé dans un exercice d'introspection avec ce livre, et vu à quel point les alternatives qu'il développe par rapport à la vraie vie sont inquiétantes, en vrai, parce que finalement, il met en scène la mort de son fils. Donc je comprends que ce soit pas forcément très agréable à revivre pour lui, mais c'est un roman que je vous conseille très nettement. Pour moi, c'est une excellente entrée en matière si vous n'avez jamais lu de Stephen King. En tant que lecteur, ça marche parfaitement. Voilà. Moi, c'est pas mon roman préféré de King, c'est un très bon roman, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec tout ce que tu dis, j'ai même rien du tout à rajouter. C'est juste que j'ai une préférence pour un autre roman de King qu'on abordera, puisqu'il a été également adapté au cinéma, donc on en reviendra quand il tombera. On peut avoir une petite indice spoiler ? Ah bah je peux donner le nom directement, mon roman préféré de King c'est Sacdos. D'accord, oui, je l'adore aussi. Et du coup, je propose qu'on passe au film. This place. I brought you here to bury Alan's cat. Daddy, is church all right? Why, Judd? I have my reasons. I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him in the pet cemetery. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Daddy's gonna do something really bad. You're thinking of putting him up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Come back to us. Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. Pet Cemetery. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cimetière de Marie Lambert, je le précise bien, celui de 1989, et pas de celui de 2019, que nous n'avons pas encore vu, et de toute façon, dans les futurs cas où il y a eu plusieurs adaptations d'un même roman, ce qui arrivera plusieurs fois, nous parlerons individuellement de chaque adaptation, pour avoir le temps de bien revenir dessus et de ne pas être simplement dans l'évocation. Du coup, potentiellement, 3 épisodes centrés sur Cimetière, puisque Cimetière, Cimetière 2 et Cimetière 2019. C'est ça, le record sera détenu par les Démons du Maïs, avec une adaptation et 9 suites. Préparez-vous. Mon Dieu. Le film, au départ, c'était un projet de Stephen King et George Romero. de George Romero avec la participation de Tom Savini également. Tom Savini, acteur, producteur et surtout grand monsieur des effets spéciaux et du maquillage. C'est ça, donc il a fait les effets spéciaux des trois premiers films de zombies de Romero. Pas les trois premiers, justement, il n'a pas participé au tout premier. Il est arrivé à partir de zombies, à partir du second. D'accord, je croyais qu'il était déjà sur La Nuit des Morts Vivants. Il n'a pas bossé sur La Nuit des Morts Vivants. À moins que je dise une grosse bêtise, mais il ne me semble pas. Ouais, je crois que c'est lui aussi sur... Sur Martin, c'est sur lui. Sur Martin. Ouais, exactement. Par contre, il a réalisé un remake à La Nuit des Morts Vivants. Ça doit être pour ça. Qui est plutôt très bon, d'ailleurs. Qui est plutôt bien, effectivement. Avec des très chouettes effets spéciaux, en couleur. C'est un film à voir. Et au départ, dans le rôle principal, ça devait être Bruce Campbell, donc, que vous connaissez probablement principalement pour Evil Dead et pour Ash vs The Evil Dead, un acteur récurrent de Sam Raimi, et qui, je pense, aurait pu donner une vision très intéressante de ce personnage, de Louis. De Louis, parce qu'il devait jouer Louis. Mais finalement, King a écrit un scénario, mais Romero, ils avaient déjà collaboré ensemble sur Creepshow, on a oublié de le dire, sur lequel on aura l'occasion de revenir. Et finalement, Romero a dû tourner des scènes additionnelles pour son film Incident de parcours, et au moment du tournage, il n'était donc plus disponible pour s'occuper de cimetière. Ce qui est bien triste. Ce qui est bien triste. Et Romero, ce sera pas la première fois qu'il avait un projet avec King en cours et qu'il a dû annuler. C'est ça, on y reviendra, ça a aussi été le cas pour Le Fléau et pour La Petite Fille qui aimait Tom Gordon. Alors il me semble qu'il devait bosser également sur Cellulaire. À vérifier, mais oui, il me semble... Le Cellulaire est dédié à Romero, en tout cas. Mais c'est possible qu'il ait voulu bosser sur l'adaptation parce que ça lui aurait été parfaitement... Ah oui, ça aurait parfaitement collé. Donc King se tourne vers Marie Lambert, c'est seulement son deuxième long-métrage de fiction, et elle est en fait surtout connue et surtout douée, à mon avis. En tant que réalisatrice de clips, elle en a fait beaucoup pour Madonna, notamment Like a Virgin, plutôt des bons clips. Elle en a fait aussi pour Janet Jackson, The Go-Go's. Elle a dû faire une cinquantaine de clips au total dans sa carrière, la plupart à l'époque où elle réalisait Cimetière. Alors, les années un peu avant. Alors que pourtant, la réalisation de Cimetière n'est pas vraiment clipesque, comme on dit. Non, effectivement, ça n'a rien de clipesque. C'est une réalisation plan-plan, mais on a plutôt des plans assez longs. Et ouais. Voilà, mis à part certains passages qui ont tendance à cuter volontairement. Ouais, ouais, elle a rien de... On ressent pas l'éthique qu'on a souvent tendance à voir chez des réalisateurs de clips. Bah, comme Snyder, par exemple. Comme Snyder ou... C'était plus connu. Ou Luc Besson. Voilà. On y reviendra, j'aurais presque préféré qu'on sente justement une réalisation un peu plus inspirée. En fait, ces idées de clip auraient pu amener une réalisation beaucoup plus intéressante au film. C'est pas beau. Globalement, sa carrière dans le cinéma est pas particulièrement reluisante, alors j'en ai vu très très peu d'autres, mais c'est principalement des téléfilms et des direct-to-video, dont un Megapython versus Gatoroid réalisé pour Asylum en 2011. Donc Asylum, c'est les génies du mal. C'est les génies derrière les Sharknado et derrière en fait beaucoup de mockbusters contemporains. Donc en gros, quand un blockbuster sort, ils en font la version cheap. Transmorphers, leur Sherlock Holmes, je vous le conseille beaucoup si vous avez l'occasion, c'est hilarant. Et Marie Lambert a réalisé aussi, c'est peut-être son autre film le plus connu, Cimetière 2 en 1992, dont on aura l'occasion de reparler, bien évidemment. À la production, on a Richard Perebinstein, qui est un collaborateur très récurrent de Romero, puisqu'il a travaillé sur Martin et Le Jour des Morts Vivants, et d'autres, et de Stephen King. Il a travaillé sur Creepshow, les téléfilms Le Fléau et Les Ailes de la Nuit, je crois que c'est un téléfilm, et les films Les Langoliers, La Peau sur les Os, et des projets de série aussi avec Stephen King, donc c'est un autre collaborateur récurrent. Qui bosse principalement pour la télévision, du coup, mis à part Creepshow. Donc c'était une équipe de gens qui se connaissaient, une équipe d'amis presque. Bah, une équipe pas dégueulasse, hein. Oui, plutôt, qui aurait pu faire de bonnes choses. Voilà, c'est pas des branques, hein. Au casting, dans le rôle de Louis, on a Dale Midkiff, qui est surtout habitué des téléfilms et de second rôle qui ne sont souvent pas arrivés en France, donc c'est un acteur qu'on ne connaît quasiment pas chez nous. Apparemment, il est surtout connu pour avoir joué Elvis Presley dans une mini-série appelée Elvis and Me, qui est visiblement très bonne, en 88. Dans les années 80, fin 80, oui. Et il joue le rôle principal dans une série Time Tracks sur un policier du futur, si j'ai bien compris, mais c'est pas arrivé en France, et un des mercenaires dans la série télévision Les 7 mercenaires, que je n'ai pas vu. Donc globalement, je ne sais pas bien ce que vaut la carrière du bonhomme, mais elle est surtout télévisuelle. Dans le rôle du voisin Judd, on a Fred Gwynes, qui s'était fait connaître dans des sitcoms des années 60, apparemment qui ont eu beaucoup de succès aux États-Unis. Mais suite à ça, sa carrière au cinéma est assez limitée. Et puis c'est des sitcoms qui ne sont jamais venus jusqu'à chez nous. Ouais, mais qui apparemment ont un certain capital nostalgie. Mais par contre, il a eu toute une carrière sur scène comme peintre et comme auteur-illustrateur de livres pour enfants, apparemment de plutôt bonne qualité. Il a joué dans Cimetière, donc. Bon. Un film où un enfant meurt. C'est ça. De manière violente. De manière violente, et où lui-même meurt de manière violente. Tué par un enfant. Un bouclé-bouclé, en quelque sorte. C'est ça. L'actrice la plus connue du casting, en France au moins, c'est probablement Denise Crosby, qui est la petite fille de Bing Crosby et de Dixie Lee, puisqu'elle joue le lieutenant Tasha Yar dans Star Trek The Next Generation. Oui, un personnage très important de Next Generation. De la première saison, en tout cas, de Next Generation, puisqu'elle est partie assez vite, je crois, après. Sinon, elle a joué surtout dans des téléfilms et séries, et le seul autre film dans lequel je l'ai vu dans un rôle principal, c'est Mortuary de Tobe Hooper. Que je n'ai pas vu, moi, personnellement. Et tu ne loupes absolument rien. C'est... Mais en même temps, est-ce que la carrière de Tobe Hooper vaut quelque chose à partir d'un certain nombre d'années? Voilà, et ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, on aura l'occasion d'en reparler, là. Mortuary, c'est un film qui aurait pu être très intéressant, mais qui, finalement, ne l'est pas. Ah, mais j'ai envie de te dire, comme beaucoup de films de Tobe Hooper, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est amusant parce que l'acteur et l'actrice qui jouent les enfants du couple ont eux aussi continué dans le milieu du cinéma et de la série télé, mais eux aussi surtout dans des seconds rôles. La fille jouée par Blaise Berdal a apparemment aussi fait de la musique, elle est aussi rappeuse. J'ai essayé de trouver certains de ses morceaux, je suis pas tombé sur grand chose. C'est introuvable. Et le gamin, Miko Hughes, a depuis lui aussi accumulé le second rôle, et il a visiblement un rôle très très, très très tertiaire dans Un flic à la maternelle. Un film pour lequel j'ai une certaine tendresse. Un film. Donc au final, c'est surtout un casting d'acteurs habitués à la télévision, et ça se ressent, ils sont jamais vraiment mauvais, on peut pas dire que ça soit mal joué, mais il y en a aucun qui brille. Voilà, il y a aucun moment vraiment de... extraordinaire. Et c'est un peu dommage pour un livre qui finalement, enfin pour un récit qui est autant centré sur ces personnages, et qui aurait bénéficié d'une prestation d'acteur plus puissante pour souligner les réactions face au deuil, pour souligner le drame en fait, par moment. Est-ce que tu veux qu'on aborde les différences entre film et roman? Je pense que c'est le moment d'aborder ça. Car il y en a des pas mal. On peut évoquer déjà la disparition de certains personnages, notamment la femme du voisin. Oui. Purement et simplement supprimée pour je ne sais quelle raison, et remplacée par un rôle de bonne à tout faire. Après, le personnage n'était pas non plus très important. Oui, mais dans la mesure où la bonne à tout faire a quasiment le même rôle... Oui, c'est de se demander pourquoi l'avoir supprimé, du coup. Je pense pour supprimer l'idée de dresser une relation supplémentaire entre elle et le voisin qui aurait peut-être pris du temps d'apparition à l'écran. Oui, puis... Mais du coup, la disparition de cette voisine amène à autre chose, c'est que le film ne se focus pas sur la vie de tous les jours des personnages principaux. Oui. C'est-à-dire, la voisine, elle amène que le mari, que Louis, est médecin. Parce qu'il y a beaucoup de passages où il traite de ses rhumatismes, où il se renseigne, voilà. Alors que c'est très très peu évoqué dans le film. Globalement, le film, il dure 108 minutes, il adapte un bouquin de 600 pages, il est obligé de couper beaucoup sur l'idée de la vie quotidienne des personnages. Ce qui effectivement supprime un aspect assez important du roman, ça supprime tout le rythme assez lent de ce dernier. Est-ce qu'il y a des passages dans le film qui arrivent de manière très brutale? Ouais. C'est bien amené dans le roman, mais l'accident du gamin à l'université, celui qui claque entre les doigts de Louis, c'est amené de manière extrêmement brutale dans le film. Oui. Il y a une scène, ça cut et paf! En gros plan, on voit le gosse avec le crâne à moitié explosé qui est amené au médecin. Ce qui n'est pour le coup pas inintéressant, je trouve, que justement, on ne s'attend pas à une telle scène à ce stade-là du film. On est d'accord, là, je trouve ça intéressant. Ça surprend, quoi. C'est, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement le plus dommage, c'est qu'on perd en quotidienneté du récit, mais je ne pense pas qu'ils avaient d'autres choix, étant donné qu'il s'agit d'un film. Mais c'est vrai que du coup, on perd en développement de personnage, c'est surtout ça. Oui. Pareil, par exemple, la gamine, on voit pas du tout son anxiété aller à l'école, se refaire de nouveaux camarades, ce genre de choses. Oui, et son anxiété, globalement, face à la mort, à la notion de mort, qui est très présente dans le livre. Et ça, par contre, c'est vraiment dommage, parce que la scène de l'apprentissage de la mort, avec le père, où elle prend conscience que son chat, Church, va mourir, et donc elle prend conscience également que ses parents vont mourir un jour... Oui. Dans le roman, la scène dure. C'est une vraie scène d'apprentissage de la mort, et donc d'apprentissage du deuil. Mmh. Alors que vraiment, dans le film, elle est expédiée, mais ouais. Vitesse grand V. Ouais, il y a aussi, dans le roman, ça amène toute une discussion entre les parents sur comment est-ce qu'on enseigne la mort à ses enfants, ce qui est un thème difficile. Oui, parce que du coup, la mère se remémorise son histoire avec sa sœur, ouais, qui lui a claqué entre les doigts. Mm. Et tout ça, c'est purement et simplement supprimé dans le film. Et pour le coup, c'est dommage. Ouais, et ça, pour le coup, encore une fois, King s'inspire pas mal des angoisses de sa propre fille. Quand son chat est mort, raconte-t-il, il l'a retrouvé après l'enterrement, en fait, la nuit même, dans le garage, en train de piquer une crise, de sauter sur du papier bulle. Voilà, pourquoi ? En hurlant, pourquoi est-ce que Dieu a pris mon chat ? Il a qu'à prendre son propre chat s'il en veut un. Phrase que la gamine a dans le livre et qui est aussi dans le film, mais qui est extrêmement juste, finalement, qui est purement une réaction d'enfant, pour le coup. Oui, clairement, oui. Ma puce ? Papa ? Et si Church mourait ? Si jamais il mourait, il irait au cimetière des animaux ? Alors, Church ne va pas mourir. Non, c'est pas vrai. Quand il sera vieux, il finira bien par mourir. Viens là. Church sera encore là quand il ira à la grande école ? Ça fait un sacré bout de temps. Ça me paraît pas long à moi. Et même pas long du tout. Si cela ne tenait qu'à moi, je m'arrangerais pour qu'il vive au moins 100 ans. Mais c'est pas moi qui dicte les règles. Ben, qui sait alors ? Le bon Dieu, je suppose. Mais c'est pas le Dieu des chats, c'est mon chat. S'il veut un chat, il n'a qu'à s'en trouver un autre. Pas le mien. Pas le mien. Mais oui, c'est dommage que la scène soit aussi vite expédiée. En fait, dans le film, c'est une scène banale. Oui, voilà, c'est le cas d'une autre scène, qui est la scène que j'évoquais plus tôt, de bagarre autour du cercueil, qui dans le roman dure... est beaucoup plus longue et beaucoup plus horrible qu'elle donnait dans le film, où elle est expédiée aussi très rapidement. Mais très souvent, c'est dû à quelque chose qui est récurrent chez King, c'est que on est dans la tête de ces personnages. Oui. Chose qui est très dure à retranscrire au cinéma. Effectivement. Voilà, c'est à cause de ça, souvent, que les adaptations de King sont bien en deçà de ses romans, tout simplement. Ouais. Parce qu'on est plus dans une littérature de l'esprit qu'une littérature descriptive. Oui, voilà. C'est ça. Dans les grosses omissions, la seule vraiment très notable, c'est le Wendigo. Donc le Wendigo, c'est une créature du folklore amérindien, apparemment les Indiens algonquiens principalement, qui est une créature démoniaque, souvent liée au cannibalisme. En fait, elle naîtrait, ce serait une transformation subie par les hommes s'étant livrés au cannibalisme, à apparence mi-humaine, mi-animale. C'est une créature que King a aussi utilisée en tant qu'ennemi principal dans La Petite Fille, qui est Tom Gordon, un autre roman qui se passe intégralement dans les bois et que je vous conseille. C'est une créature qui, Fun Fact Comics, revient souvent dans l'univers Marvel. Wendigo existe pour de vrai dans l'univers Marvel. Voilà. D'accord, il fait beau. Bonne chose à savoir. Et chez Stephen King, c'est une créature purement démoniaque, liée au cimetière Micmac d'Indiens, et... ça laisse très clairement supposer que c'est lui qui pousse les persos à accomplir à peu près toutes les mauvaises décisions du livre. Dans le roman, c'est même clairement indiqué que c'est lui qui pousse le voisin à parler du cimetière Micmac à Louis. Ouais, et qui pousse après Louis à amener son gamin au cimetière. C'est aussi très clairement indiqué que c'est lui qui provoque l'inattention du chauffeur au moment où le camion écrase le gamin. Donc c'est lui qui tire tout le temps les ficelles. Et c'est vrai que c'est totalement mis à la trappe. C'est totalement mis à la trappe. Voilà. Alors, après, pour moi, c'est pas très gênant, ça, parce que le Wendigo, moi, je l'ai toujours interprété plus comme une métaphore, en fait, des pulsions les plus sombres des personnages, de leur fascination pour l'idée de lutter contre la mort. Si on le prend comme un élément métaphorique, en fait, on peut le supprimer sans changer foncièrement le sens du récit. Le principal problème pour moi, c'est qu'il amenait une certaine ambiance, notamment dans le premier voyage vers le cimetière Micmac, ouais, qui dure très longtemps dans le livre. C'est une scène qui dure une vingtaine de pages avant qu'ils atteignent le cimetière, tandis que dans le film, ça doit durer une minute à peu près. Bah, puis, disons qu'avec l'explication du Wendigo, il n'y a pas cette sensation de oui, mais pourquoi tu parles du cimetière Micmac à propos du voisin. Oui. Parce que dans le film, tu te dis, mais si tu veux pas que Louis aille enterrer son fils, pourquoi tu lui as parlé du cimetière avec le chat ? Voilà, peut-être parce qu'il savait pas que le fils allait mourir. Oui, mais lui-même a eu un passif avec son chien, avec le cimetière. Il a vu que les animaux pètent un câble en revenant. Donc pourquoi lui en parler ? Effectivement. Tu peux te poser cette question-là devant le film, vu que le Wendigo n'est pas là, que le Wendigo n'influe pas le voisin. Effectivement. C'est le seul truc un peu regrettable du coup à la disparition du Wendigo dans le film, mais c'est vrai qu'au fond c'est pas bien grave. Ouais voilà, à part pour l'ambiance, c'est pas un changement qui m'a dérangé, et il est très compréhensible, oui, voilà, d'un point de vue de l'adaptation. Oui, et puis c'est déjà suffisamment fantastique comme ça, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter encore, surtout sur un film qui fait que 1h40 quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que sur un film d'1h40, en fait, ça aurait risqué de détourner l'attention du propos sur le deuil et sur le drame intérieur des personnages. Ça aurait nécessité de faire des cuts sur d'autres choses du film, quoi. Oui, et puis surtout, le budget n'était pas énorme, donc si c'était pour avoir une créature ratée, autant ne pas la mettre du tout. Oui. Par contre, dans le film, le fantôme de l'étudiant accidenté, Victor, apparaît beaucoup plus, et notamment il apparaît aussi à Rachel dans la dernière partie, quand elle cherche à rejoindre son mari, qu'elle a le pressentiment que quelque chose de dramatique va arriver. Et puis il est partout, il est à l'aéroport, il est partout. Il est partout, et finalement il ne sert à rien, parce que bon, il n'empêche pas que Rachel va se faire dézinguer par son fils. Donc ça, c'est un ajout, moi, qui me laisse un peu sceptique, pour le coup. Oui, pourquoi avoir supprimé le Wendigo, c'est pour faire apparaître un autre truc fantastique Voilà, c'est ça, je trouve ça un peu pâteau dans le film. C'est très bizarre. C'est un reproche que je lui ferais, moi, c'est le truc qui me laisse le plus sceptique, je pense, au niveau des choix d'adaptation. Et du coup, c'est pareil, l'histoire de Zelda, bah, dans le roman, elle est plutôt tôt. On comprend qu'il s'est passé quelque chose, alors que dans le film, ça débarque un peu... comme ça, quoi. Oui, effectivement, ouais. Bah, aussi le fait que dès le tout début du roman, les Micmacs sont évoqués. Oui. Directement. Oui. Parce qu'on nous apprend que ça va être compliqué au niveau des droits de construire de nouvelles choses sur le terrain parce qu'il y a un petit problème avec les propriétaires. Qui sont les Indiens. Qui sont les Indiens Micmacs. Le territoire de base. Ça aussi, c'est un thème assez récurrent chez Stephen King. On le retrouve dans Shining et dans une version modifiée, je crois qu'il y a aussi ça dans La peau sur les os. Le fait qu'il y a une malédiction indienne qui émerge, mais pas à cause des Indiens, mais plutôt à cause de l'arrivée des Blancs sur le territoire indien. Donc, d'une certaine façon, c'est comme si les colons déclenchaient leur propre perte. Et c'est un thème qui revient plusieurs fois chez Stephen King, et qui est assez cohérent avec ses pensées politiques en général. Oui, l'aspect enracinement, l'aspect on est chez nous, le fait qu'on ait volé les terres des premiers qui étaient là. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose dont King est très conscient, et qui pour lui, finalement, c'est comme s'il y avait une malédiction qui pesait sur l'Amérique de base. Voilà. Et autre petite différence, et c'est quelque chose qui est énormément présent dans les romans de Stephen King, mais que les films ont souvent tendance à côté pour des raisons compréhensibles, King aime beaucoup faire des références à ses autres romans. C'est ça. Et c'est le cas dans Cimetière. Oui, parce que le voisin nous parle d'un certain Saint Bernard qui, à Castle Rock, aurait tué des gens. Bien entendu, il s'agit de Cujo. Roman écrit 2 ans avant. Ouais, alors il y a eu... En réalité, c'est le roman qu'il a écrit juste avant Cimetière, mais comme il avait rangé Cimetière dans un tiroir pendant quelques temps, Christine a été publiée avant. Et alors, j'ai appris que cette séquence où le voisin parle de Cujo est présente dans Le Cimetière de 2019, qui est sorti il n'y a pas longtemps en fait. C'est possible, les références sont beaucoup plus laissées actuellement, étant donné que l'univers de King est devenu beaucoup plus à la mode, et qu'il y a une mode autour des séries contemporaines de King à caser énormément de références à ses romans, que ce soit dans Castle Rock ou même dans La Tour Sombre, il y a plein d'autres références et de petits clins d'œil à ses romans. C'est plus traité, je trouve, comme un gadget aujourd'hui. Pour moi, l'autre assez gros point faible du film et qui fait qu'il a du mal à installer une ambiance, c'est la réalisation de Marie Lambert. Comme je l'évoquais, elle est assez plan-plan. Académique. Assez télévisuelle. Elle montre ce qu'elle a à montrer, mais sans jamais chercher à souligner plus que ça l'ambiance, ou sans jamais trop chercher à apporter quelque chose de nouveau. Vraiment, la scène, et je pense qu'on sera tous les deux d'accord, la scène vraiment dynamique et bien pensée en termes de réal, c'est l'accident qui coûtera la vie à Gage. C'est ça. Je trouve aussi les souvenirs de Rachel plutôt bien amenés grâce à des maquillages vraiment réussis. La tête de sa sœur fait peur, on comprend ce qui a pu faire peur à une jeune ado, à l'époque. Oui, parce que pour le coup c'est vraiment une espèce de créature squelettique. Mais globalement, c'est assez décevant à ce niveau. Je pense que c'est un peu parce que Marie Lambert n'a jamais brillé par son style de réalisation dans ce qu'elle a fait, et parce que King était quand même tout le temps derrière et apparemment a été un peu tatillon sur le respect de son scénario. Et il était très impliqué dans la réalisation du film. Il a d'ailleurs exigé que ça se tourne dans le Maine pour donner une couleur locale qui effectivement se ressent un peu. C'est pas les décors qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis. Mais comme ils ne sont pas particulièrement mis en valeur, on perd un peu ça aussi. Et pour le coup, encore aujourd'hui, King l'indique souvent, c'est l'un de ses meilleurs souvenirs sur le tournage d'un film. Oui. Il a beaucoup apprécié que ce soit l'équipe, l'ambiance générale pendant le tournage. Ça fait partie de ses meilleurs souvenirs de réalisation, sur un tournage de film. Oui, il y fait même un caméo d'ailleurs, oui. Dans le rôle d'un prêtre lors d'un enterrement. Donc petit caméo amusant de Stephen King. Et la réalisation met d'autant moins d'ambiance que la photographie est aussi très plate. Dans un film d'horreur, dans l'ensemble, il y a un travail sur les lumières qui permet de dégager une certaine ambiance et qui là est totalement absent. On a une photographie, encore une fois, très télévisuelle et très banale, qui n'exprime jamais rien. Et je trouve que c'est très dommage. Niveau message, la conclusion du film aussi, la conclusion du roman est très mystérieuse, là où celle du film est beaucoup plus brute. Oui, effectivement, ouais. Il y a l'existence, mais qui n'a jamais été proposée dans aucune édition, d'une fin alternative qui, elle, est plus proche de celle du roman, en fait. D'accord. Donc, en fait, le mari dans la cuisine, la femme qui revient et qui lui dit mon amour ou mon chéri, je ne sais plus. Ouais. Le roman s'arrête là, et la fin alternative s'arrête là également. On ne sait pas ce qui se passe. Alors que, dans la version film, avec la scène finale, la femme prend un couteau, on entend le mari qui crie, on sait que, bah voilà, mis à part la fille, comment s'appelle la petite ? Ellie, bah tout le monde meurt, en gros. Alors que c'est plus mystérieux dans le roman. Effectivement. J'aime bien la musique, par contre, d'Eliot Goldenthal, donc un compositeur plutôt important aujourd'hui, même s'il a pas mal travaillé sur des projets un peu en arrière-garde des gros blockbusters. Mis à part Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit et Entretien avec un Vampire, il a assez peu de très gros films dans sa carrière, mais c'est un très bon compositeur. Là, il en est relativement à ses débuts, donc on a un peu de mal à sentir son style, mais c'est une bonne BO avec un chouette thème et qui, pour le coup, arrive, elle, à amener une ambiance par moment. Ambiance totalement ruinée, par contre, par la chanson des Ramones à la fin du film, dont Stephen King est fan et qui était des amis de Marie Lambert. C'est lui qui l'a demandé d'ailleurs. Oui, c'est Odo, je crois. Marie Lambert aussi était partante. C'est plutôt sympa à petite dose, les Ramones, mais voilà. Honnêtement, dans un drame horrifique, c'est pas le premier choix que j'aurais fait. C'est un peu comme mettre une chanson des Pink Floyd dans une comédie romantique. Ça marche pas très bien. Et du coup, ça fait un parallèle très étrange parce que le film s'ouvre sur la musique du compositeur accompagné par une chanson d'enfant qui nous présente le cimetière, qui là est un petit peu pesante, et du coup tu termines avec la musique des Ramones, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Voilà, c'est un choix que je trouve étrange, la chanson est visiblement devenue assez culte, ça a été un bon succès au hit parade. C'est l'un des plus gros succès des Ramones. Voilà, tant mieux pour eux, mais... tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Ouais, voilà, mais encore une fois, c'est pas une mauvaise chanson, c'est juste le fait qu'elle soit là qui pose problème. C'est ça. Ça aurait été... Tire le pimpon sur le chihuahua, ça aurait été pareil, quoi. Effectivement. Les bonnes références franco-françaises. Et le film, finalement, malgré donc cette qualité un peu moyenne, a très bien marché, puisque pour 12 millions de dollars de budget, il en a rapporté 57,5 sur le sol américain. Je n'ai pas réussi à obtenir les chiffres à l'international, mais on peut appeler ça un très bon succès, ce qui a du coup permis de faire une suite. Voilà. Que l'on évoquera plus tard. Que l'on évoquera plus tard. Parce que là aussi, ça a été problématique. Il y avoir une suite de prévues, et au final, ils ont changé les plans. On y reviendra plus tard. Nous en avons donc fini avec notre avis, nous allons maintenant passer à une rubrique un peu plus pointue, puisque nous allons faire un comparatif entre une scène du roman et la même scène telle que transcrite dans le film, afin d'essayer d'étudier le travail d'adaptation tel qu'il a été pensé. Scène que l'on juge nous-mêmes forte. Scène que l'on juge évidemment forte, on n'a pas pris une discussion dans une cuisine à propos du repas du midi. C'est ça, mais donc du coup c'est des scènes à chaque fois, encore une fois, très objectives. Voilà, c'est ça. Il y a une certaine objectivité en termes de travail dramatique. Là, on a hésité entre plusieurs scènes. On aurait pu prendre le premier voyage vers le cimetière indien. Ce qui nous a retenu, c'est surtout qu'elle est très longue dans le roman. Oui. Ça aurait été un peu compliqué de faire un travail de comparaison. On avait aussi hésité avec le retour du chat. Le retour du chat, oui. Mais on a finalement opté pour peut-être la scène la plus forte, à savoir la mort de l'enfant. Dans le roman, la scène de la mort de Gage arrive au début de la partie 2, c'est-à-dire au-delà de la moitié du roman, à la page 356 sur 640 à peu près dans l'édition Pocket. Non, livre de poche. Livre de poche, pardon. En esprit, il voyait toujours Gage qui traversait la pelouse à toutes jambes en direction de la route. Il lui criait de s'arrêter, de revenir, mais il ne voulait rien entendre. Depuis quelque temps, échapper à papa et maman était devenu son nouveau jeu. Il se lançait à sa poursuite. Louis distançait Rachel très rapidement, mais le garçonnet avait une solide avance. Il s'enfuyait encore plus vite en voyant que son papa lui courait après, et il éclatait de rire tout en courant. C'était le jeu. Louis gagnait trop lentement du terrain, mais déjà Gage dévalait l'ultime talus de gazon qui aboutissait à la route, et Louis priait de toutes ses forces pour que l'enfant tombe. Quand ils sont lancés à toute vitesse, les mioches se cassent presque toujours la figure parce qu'ils n'apprennent vraiment à contrôler les mouvements de leurs jambes que vers l'âge de 7 ou 8 ans. Louis priait pour que Gage se casse la figure, même quitte à faire une chute brutale, même s'il saignait du nez et se fendait le crâne, même si ça se soldait par des points de suture, parce qu'à présent il entendait distinctement le grondement d'un camion qui venait dans leur direction, un de ces énormes semi-remorques à 10 roues qui vont et viennent sans relâche entre Bangor et l'usine Orinco de Bucksport. Il avait hurlé le nom de Gage, et il était sûr que Gage l'avait entendu et qu'il avait essayé de s'arrêter. Gage avait paru se rendre subitement compte que ce n'était plus du jeu, que vos parents ne hurlent pas comme ça lorsqu'il ne s'agit que de s'amuser. Et il avait fait mine de vouloir freiner, mais déjà le bruit du camion était assourdissant. Il remplissait l'univers entier d'un formidable grondement de tonnerre. Louis s'était lancé en avant dans un élan désespéré pour tenter un impossible plaquage au sol. Il avait vu son ombre qui courait à toute allure sous lui, le long du gazon, comme celle du vautour avait couru le long de l'herbe enrubannée de neige du près de Madame Milton par ce beau jour de mars. Il lui avait semblé que l'extrémité de ses doigts frôlait le dos du léger blouson de Gage, et là-dessus, l'élan de Gage l'avait précipité sur la chaussée. Il n'y avait plus que le tonnerre du camion, l'éblouissant reflet du soleil sur ses chromes, le barrissement perçant d'un gros avertisseur pneumatique, et tout cela s'était produit samedi, c'est-à-dire 3 jours plus tôt. Et maintenant, voici la même scène telle qu'elle se déroule dans le film, en audio, évidemment, c'est du podcast après tout. Viens là, Gage. Papa, c'est à mon tour maintenant. Mais je sais, mais une petite minute. Attention qu'il n'aille pas sur la route! Rattrape-le, Louis! Rattrape le petit! Rattrape le petit! Rattrape le petit! Pour situer rapidement, dans le livre, la scène est un flashback, c'est-à-dire la première partie du livre qui couvre la première moitié en gros se termine sur Louis qui regarde Gage endormi, et dès le début de la deuxième partie, l'enterrement a déjà eu lieu, c'est donc extrêmement brutal, et toutes les précisions sur les conditions de la mort de Gage et sur comment s'est déroulé l'enterrement sont données au cours de flashback, d'où l'utilisation du temps passé continuellement et la précision de 3 jours plus tôt. Dans le film, c'est précis. Dans le film, ça se passe dans l'ordre chronologique, c'est très brut. Et on a un montage alterné aussi, entre le camion qui approche petit à petit et Gage qui joue au cerf-volant en se rapprochant progressivement de la route. Parce qu'on suit le camion de son point de départ jusqu'à l'accident sur la route. Voilà. Que penses-tu, toi, de ce travail d'adaptation ? Les deux versions sont très bonnes, je trouve, personnellement. La version cinéma. Et c'est le seul moment où on reconnaît un petit peu, où on peut se dire que la réalisatrice vient du clip, parce que c'est monté façon clip. puisqu'on enchaîne vraiment les passages camion où on voit le chauffeur qui, au fur et à mesure de son avancée, prend de plus en plus confiance et accélère de plus en plus vite. Mmh. Et entrecoupé de passages où la course-poursuite entre le père et son fils pour le rattraper de la route. Oui, qui arrive sur la route. Et qui commence très légèrement, puisqu'au début, Gage s'amuse avec le cerf-volant, alors qu'on voit déjà le camion au départ, on ne comprend pas. On ne prend pas tout de suite conscience forcément du lien entre les deux. Au début, c'est même le père qui s'amuse avec le cerf-volant, les autres sont attablés sur la table dans le jardin, et c'est après, il demande à son fils de venir pour tenir le cerf-volant, parce que c'est à lui de jouer, quoi. Ouais. Globalement, effectivement, je trouve que c'est un très bon travail d'adaptation. Je pense que la manière dont c'est présenté dans le roman n'aurait en fait pas marché en film, pour une raison simple, c'est que le changement de partie est important. Pour le roman, c'est-à-dire il y a vraiment une coupure nette à la fin de la première partie qui permet d'expliquer l'ellipse qui a lieu au début de la deuxième et qui du coup amène tout le travail de flashback. Et finalement, pour garder cette brutalité de la mort de Gage, qui finalement dans le roman est amenée par le fait qu'il est déjà enterré au début de la deuxième partie, la manière dont c'est présenté dans le film, chronologique en montage alterné, était peut-être la meilleure solution, je pense. Oui, tout à fait. Parce que c'est faire la coupe directement sur son enterrement, ça aurait amené quelque chose de vraiment étrange, je pense, en film. En tant que spectateur, oui, ça aurait été trop brutal, ça aurait pas été compréhensible, en fait. Ça aurait pu marcher en série télé si on avait eu un épisode qui se terminait sur l'équivalent de la fin de la première partie et le suivant qui commençait sur l'enterrement. C'est ça. Mais dans un seul film, c'était pas pertinent. Et effectivement, c'est le seul moment où la réalisation amène vraiment quelque chose. Alors après, le montage alterné, c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire, mais... Ça date d'Eisenstein. En l'occurrence, ça fonctionne. Oui. Eisenstein. Ouais. Non, beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Surtout quand on n'est pas allemand. Et il est russe, non. Surtout quand on n'est pas russe. Oui. Mais toujours est-il que c'est un bon exemple d'un bon travail d'adaptation et d'un cas où le fait de s'éloigner du roman a amené quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose sur lequel on aura régulièrement l'occasion de revenir, soit des écarts du roman qui ne marchent pas, soit au contraire des réalisateurs qui ont trop voulu respecter le roman et où ça ne marche pas non plus parce que ce qui marche à l'écrit n'est pas forcément efficace une fois passé au cinéma. Et c'est un peu surprenant venant d'un scénario de Stephen King lui-même, étant donné qu'il est quand même assez tatillon avec le respect de ses œuvres. En termes d'adaptation, oui, il est plutôt pour la fidélité à outrance. Oui, il dit l'inverse en interview, il dit que ça ne le gêne pas si on s'éloigne de l'œuvre, s'il y a une amélioration, mais disons qu'il a l'air assez sévère sur l'idée d'amélioration, sur le concept. Disons que Shining nous a prouvé qu'il est un peu trop tatillon. Voilà, c'est ça. Training et d'autres exemples, je pense, dont on reparlera. Voilà. Mais les deux scènes sont très très bonnes. Les deux scènes, alors que ça décrit un accident assez violent, sont pas du tout gore. Oui. Que ce soit la version roman ou la version cinéma. Parce que la version cinéma, tout ce qu'on voit, c'est une chaussure ensanglantée. Oui. Rien d'autre. Il y a quand même ça reste la mort d'un enfant, il y a quand même une certaine pudeur. Du coup... cette mort, alors que d'autres passages du roman, eux, sont beaucoup plus... Oui. Ou même du film, sont beaucoup plus trashouilles, quoi. À ce niveau-là, on dirait presque que le film, comme le roman, veulent retranscrire la sensation d'état de choc qui prend à la mort, parce que les éléments les plus sombres autour de la mort de Gage viennent après le décès en lui-même, c'est pendant l'enterrement qu'il se passe vraiment des trucs très durs. Et la scène est gardée dans le film, pour le coup. C'est juste qu'elle n'est pas très efficace, mais la scène de la bagarre avec le beau-père est gardée dans le film. Oui. Tu parles de la bagarre entre le beau-père et le père. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, dans le film, c'est pas forcément bien amené, puisque déjà le beau-père débarque, donc c'est tout. Enfin, il est à l'enterrement, c'est normal qu'il soit à l'enterrement, mais on ne l'a jamais évoqué avant. Alors que dans le roman, on sait que le beau-père a toujours mal considéré cette union entre Louis et sa fille, quoi. Alors, pour rétablir vraiment les choses, il est un peu apparu. Lorsque Rachel et les enfants étaient à Thanksgiving chez exact. Eux. Oui, mais c'est fond. Très secondaire, il est en fond. En fond, voilà, le fait pas qu'il ne valide pas l'union de Louis et Rachel est effectivement pas assez amené. Et du coup, ces excuses à l'aéroport qui ont, je trouve, un certain poids dans le roman, sont trop banales dans le film. Comme beaucoup de scènes de ce film, en fait, qui sont banales, alors que dans le roman, elles sont fortes, quoi. Que ce soit l'apprentissage de la mort, comme on l'a dit plus tôt, la baston à l'enterrement, ou les excuses. Mmh. Mais pour moi, le film a tout de même, au final, le mérite de respecter la, plus ou moins la fin du roman, en la rendant beaucoup plus explicite, certes, mais il ne cherche pas à créer une fin heureuse. Il garde le côté très sombre du roman, il y a tout de même un enfant qui meurt, puis qui revient à la vie, ce qui est quelque chose de très violent et qu'on voit relativement peu dans le cinéma d'horreur. La mort des enfants reste un sujet très tabou, dans l'ensemble, donc je trouve que rien que d'avoir regardé ça, c'est déjà pas mal, finalement. Oui. C'est vrai que, par exemple, quand on évoquera la version 2019, c'est pas le même enfant qui meurt. C'est un enfant déjà plus âgé, par exemple. Après, je ne l'ai pas vu, mais je peux comprendre aussi ça. Ça évite d'avoir à utiliser des animatronics pour l'enfant une fois revenu à la vie. Alors, oui. Après, la raison n'est pas exactement la même évoquée par le réalisateur, mais on en reviendra quand on parlera de la version 2019, du coup. Qui, visiblement, est très bien. Oui, c'est ce que la majorité des critiques en disent, en tout cas. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, que ce soit sur le livre ou le film. Non, on a fait le tour des deux œuvres. Mmh. Je pense qu'il est temps de les classer, ça va aller vite. Hein, vu pour l'instant, le livre tient le haut et le bas de notre classement, je pense qu'on est d'accord. Voilà. Pour le film, de même, mais soyons honnêtes, je pense que le film se fera beaucoup plus facilement dépasser que le roman. C'est ça, spoiler alert, hein. Le roman a des chances de rester encore en tête pendant quelques numéros, pendant alors que le film va vite sauter, je pense. Sachant que je vais défendre le roman bec et ongles de mon côté, de toute façon. Ah là là, ça va être drôle. Eh bien, c'est la fin pour ce premier numéro. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours par message et à transmettre à vos connaissances si vous appréciez. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez du livre ou du roman si vous les avez lus ou vus. Et nous nous retrouvons dans 2 semaines, ce sera une émission qui sortira toutes les 2 semaines, pour cette fois-ci La Tour Sombre. En attendant, le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Venez y faire tous vos cauchemars.